Il y a de bons flics. Mais un bon skin, c'est un skin mort. Tire. C'est presque une marque de fabrique, t'as compris, j'assassine la bourgeoisie plus qu'un test face à un mur de briques, je vais en mettre par terre une partie, je sélectionne mes cibles, j'en ai plein dans mon viseur, les fachos du centre-ville, anti-raton, anti-rappeur, ces chiens-là n'ont pas crainte de leur raser en joue et cuir noir, tous fachos mais tous fashion, il faut le voir pour le croire, les couleurs bleues, les slim taille basse, ça ils aiment ça, mais si par mes potes un des leurs se fait fracasse, ils ont la haine, là, alors ils s'organisent bien de spi, genre c'est l'armée américaine, toujours présent, nous on débarque souvent à la one again, on se méfie quand même des caméras, quand y'a embrouille sans balèque, leurs darons sont friqués donc ils sont intouchables. Pour les decks, ainsi un soir ces enculés nous ont caillassés devant la gare. On était quatre ou beaucoup plus, et pas un seul gyrophare. Alors qu'un frère passe devant le juge pour une histoire de coup de pression. M'a pu me les décrire pour les griller, pour cause d'autant de pression. En résumé, tous retaillent et bougent toujours en surnombre. Tous méprisants, plein de mailles, mes origines me disent de leur mettre une bombe. Cette bombe c'est simple, c'est juste une combinaison de lyrics enragés. Bah ouais, c'est engagé, je crache ma rage, je suis pas prêt de dégager. Sur ce sujet, je suis pas ouvert, et rien ne pourra me faire changer d'avis sur ma vie, je m'en bats les couilles de venir les déranger. Parce que pendant 3 ans avec les potes, ils nous en ont fait baver. Protège ta tête parce que ce morceau, c'est une projection de pavé. On vous appelle skinhead, mais t'as les cheveux longs et nous le crâne rasé. T'es gentil devant tes parents, mais tu rêves que de nos caillasses. Et tu parles de nous, de notre style, de notre son, bref, tu papotes. Tu votes pour les extrêmes et c'est pour ça qu'on sera pas vote. Pour toi, y'a rien à échanger avec les étrangers. Dans American History X, t'es triste que Derek ait changé. Pour toi, les dents sur le trottoir, c'est la meilleure des issues, c'est sûr que moi. Je verrai plus dans ton crâne des fissures. Tu fais le beau, tu joues le show avec ta bande de fachos. Tu te crois au Moyen-Âge, tu rêves de nous mettre dans un cachot. Tu réagis à chaud car tu n'as aucun discernement. Je parle mieux le français que toi et tu veux qu'on me parle fermement dans ton iPod. Y'a du Légion 88 de merde. C'est ça que t'écoutes, tu me dégoûtes et ça va vite te perdre. Tu construis ta petite vie de merde sur une montagne de haine où tes parents feront couler des fleuves et des rivières de larmes de peine. Les armes, le peine et la persécution sont tes passions. T'aurais pas de mal à baisser ton caleçon et passons. Tu veux le génocide, je cite, tu veux tous les éliminer. Mais depuis quelques années, t'adoptes un loup qui est féminé. Tu traînes en bande en ville et détériore le matériel bien plus que moi. En plus, je crois qu'après, tu veux me faire passer pour coupable. Tu veux jouer le gros bras. Expert en Cuba, mais t'as pas de couilles devant nous, tu te courbras. Micro de tempête 2010, le coup pas. Ils organisent des ratonnades, créent des embrouilles avec les mecs comme nous. On les repisse, mais sont violents et ne pensent qu'à mettre des bâtons dans les roues de tous ceux qui aiment le rap, qui sortent du lot et vivent un peu banlieue. Ils attaquent méchamment, fais gaffe si tu réponds fort, ils iront se plaindre en haut lieu. C'était différent, mec, ils te traitent de raton, ils sont en train de péter un câble. Ils votent FN, me foutent la haine, mais face à eux, comment rester calme. Ils traînent en centre-ville et à ta vue, diront d'une voix, nique les boucaques. C'est un fléau qui peut t'atteindre, que tu sois blanc, beurre ou black. De raton, t'es en train de péter un câble. Ils votent FN, me foutent la haine, mais face à eux, comment rester calme. Ils traînent en centre-ville, à ta vue, diront d'une voix, nique les boucaques. C'est un fléau qui peut t'atteindre, que tu sois blanc, beurre ou black.